Ludo in the Mix, le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Hello, bonsoir tout le monde, c'est Ludo qui vous emmène. Le mix de Ludo. Docteur Alban à l'instant, sing Alléluia. Nous étions dans les années 90, on va y rester dans les années 90. Le mix de Ludo, le vendredi et le samedi soir. Le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. Thank you. le mix de Ludo. 8 and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. Radio In The Mix, le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sanji FM. Let's make a brand new start. Open up your mind. Get rid of some of this jealousy. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre, c'est Ludo qui vous emmène, le mix de Ludo. Stop breathing. sur l'Atlantique. C'est exotique, c'est exotique. C'est un gros secret sous les palmiers. C'est fantastique. Le mix de Ludo. Pour y aller, c'est très facile. Ferme les yeux et laisse le centre les décider. Déjà, nous y voilà. Bienvenue sur la terre. Ce n'est pas Paris et ce n'est pas Londres. Ce n'est pas Berlin ni même Hong Kong. Pas Tokyo et il fait si chaud. Bienvenue sur la mer. On est si control, ride it, ride it, my soul, ride it, ride it, me feel.

strong than you're weak. You're bound but so free. Ah, ah, ah. So come and join me and call me Harley, and we'll make us good. Yeah. I feel like a misfit. Everything inside you is dark and twisted. But it's all gonna be different, cause baby, so am I. So am I. I feel like an outcast. You don't have to fit into the format. Oh, but it's all gonna be different, cause baby, so am I. So am I. So am I. Ludo in the mix. Le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM. No lo trates, no. Nati Natasha. Diwa. No me trates de engañar. Mr. Worldwide, that's right. Sé que tú tienes a otra. Mami. No te pongas así conmigo. Dale, dale, Yankee.

Bah ouais, tu fais confiance, là tu doutes. Là, tu doutes. Bah ouais, tu fouilles mon fun quand je dors. Quand je dors. Bah ouais, c'est fois ta trace, c'est ta route. Bah ouais, dans cette histoire, j'ai mes torts. Mais t'emmener ton cœur, ça c'est fait. La bague au doigt, ça c'est fait. Présentation à la famille, ça c'est fait. Maintenant tu dis, ça suffit. Mais donner ton cœur, ça c'est fait. La bague au doigt, ça c'est fait. Présentation à la famille, ça c'est fait. Maintenant tu dis, ça suffit. Au début, tout est beau, tout est rose. Si c'est la conséquence, j'en étais la cause. T'avais du mal à me supporter. Et mes promesses ne font plus d'effet. Tout avoué, c'est plus la peine. Pourquoi l'amour se transforme en haine? Mais t'étais la lionne, j'étais la hyène. Mais j'ai dû rembobiner. Bah ouais, t'as fait confiance, là tu doutes. Là, tu doutes. Bah ouais, tu fouilles mon fun quand je dors. Quand je dors. Bah ouais, cette fois ta trace, c'est ta route. Bah ouais, dans cette histoire, j'ai mes torts. Hey. Bah ouais, tu fais confiance, là tu doutes. Là, tu doutes. Bah ouais, tu fouilles mon fun quand je dors. Quand je dors. Bah ouais, cette fois ta trace, c'est ta route. Bah ouais, dans cette histoire, j'ai mes torts. Mais donner ton cœur, ça c'est fait. La bague au doigt, ça c'est fait. Présentation à la famille, ça c'est fait. Maintenant tu dis, ça suffit. Mais donner ton cœur, ça c'est fait. La bague au doigt, ça c'est fait. Présentation à la famille, ça c'est fait. Maintenant tu dis, ça suffit. Tout ça c'est derrière moi, tu sais. Tout ça c'est derrière moi, tu sais. C'est tout ce temps que tu m'as volé. Mais j'ai dû rembobiner. Tout ça c'est derrière moi, tu sais. Tout ça c'est derrière moi, tu sais. Tu m'as volé, mais j'ai dû rembobiner. Bah ouais, t'as fait confiance, là tu doutes. Là, tu doutes. Bah ouais, tu fouilles mon fun quand je dors. Quand je dors. Bah ouais, cette fois ta trace, c'est ta route. Bah ouais, dans cette histoire, j'ai mes torts. Hey. Bah ouais, tu fais confiance, là tu doutes. Là, tu doutes. Bah ouais, tu fouilles mon fun quand je dors. Quand je dors. Bah ouais, cette fois ta trace, c'est ta route. Bah ouais, dans cette histoire, j'ai mes torts. Mais donner ton cœur, ça c'est fait. La bague au doigt, ça c'est fait. Présentation à la famille, ça c'est fait. Maintenant tu dis, ça suffit. Mais donner ton cœur, ça c'est fait. La bague au doigt, ça c'est fait. Présentation à la famille, ça c'est fait. Maintenant tu dis, ça suffit. Le mix de Ludo. Tu voulais qu'on s'installe, maintenant regardons ce parc pour se critiquer. Tu voulais pas prendre ton time, maintenant tu supportes pas la réalité. À chaque fois que je sens ton regard dans mon dos pour m'analyser, y'a plus rien quand je te vois, c'en est triste, je crois que mon cœur est paralysé. Tu nous as jamais vraiment mis sur le même pied d'égalité. Tu sais que mes défauts auraient dû oublier toutes mes qualités. Aujourd'hui tu me donnes même plus envie d'essayer de nous réanimer. J'ai presque envie de dire que je savais. Tu vas beaucoup plus vite que tout ce qu'on s'était dit, mais tu avais tort. Tu nous ralentis, j'ai peur qu'on s'arrête là. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Que tu partes, que tu restes. De toute façon, j'ferai plus d'efforts. Que tu partes, que tu restes. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Tu m'as dit j'ai grandi, j'ai vécu, j'ai envie de me poser. Pas t'as menti, je t'ai cru sans rancune. Tu n'étais pas prêt. Tu nous as jamais vraiment mis sur le même pied d'égalité. Tu me cites que mes défauts auraient dû oublier toutes mes qualités. Aujourd'hui tu me donnes même plus envie d'essayer de nous réanimer. Je parie que tu vas dire que tu le savais. Tu vas beaucoup plus vite que tout ce qu'on s'était dit, mais tu avais tort. Tu nous ralentis, j'ai peur qu'on s'arrête là. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Que tu partes, que tu restes. De toute façon, j'ferai plus d'efforts. Que tu partes, que tu restes. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Le héros

Ludo in the mix, le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sentier FM. Insolente innocence de mes plus belles années. Un passé pas si simple, des sourires en trophée. Puis la mélancolie, je la mêle au présent. C'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur. Passez une bonne soirée, c'est Ludo qui vous emmène, le mix de Ludo, encore pour un peu moins d'une heure. Nos plus belles années à l'instant, encore Manade et Kimber Rose. À suivre Zia, One by One. Entre nostalgie et destin, quand l'un nourrit l'autre, faire du futur un festin. Je veux retrouver l'attrait de notre vie d'après. Il est temps d'entamer. Où sont passées nos plus belles années? Elles s'éloignent dans le monde. Où sont passées nos plus belles années? Le mix de Ludo. Get a girl, get a boy. One plus one. Take a mic down to the shore. One plus one. Give your all and give some more. One plus one. Let the music free your soul. Yeah, bumps on rocks. Swing with me through the light. Home if it's just one night. Home if it's just one night. Oh. Le mix de Ludo, bonne soirée à vous. On accélère un petit peu pour finir cette émission. Voici Pink. Pardon, Pink Noisy. C'est japonais ou chinois, un truc comme ça. J'ai trouvé ça sur YouTube, j'adore ça. C'est génial. Et je vous le fais découvrir. Bonne soirée à vous. Le mix de Ludo, ça sert à ça aussi. Les découvertes. Le mix de Ludo. Some things look better, baby. Just pass it through. Sur Sorgia FM. Pour les malaises. leur casser les couilles. Alors la gauche, ça dit quoi? Le mix de Ludo. chemistry. Losing track of time in the ecstasy. It's getting out of hand, it's just you and me. And we are now. Yeah. sens du vent. Si j'ai la tête dans les nuages, c'est pour les voir de près. Ces étoiles qui me guident vers une meilleure destinée. À quoi sert la vie sans amour ni rêve à exaucer? Donc laisse-moi dans mon vaisseau, car je suis prêt à décoller. Un peu plus près de ces étoiles, là où les rêves n'ont pas de frontières. C'est bien ce qu'il fait, Sopra, quand même. Son dernier album, elle est géniale. Plus près des étoiles, l'instant. Passez une bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain, à partir de 21h jusqu'à minuit. Et samedi, à partir de 21h jusqu'à 23h, pardon. Et samedi prochain, 22h minuit, comme tous les week-ends. Bonne nuit à tous et à tous. Ciao, ciao, ciao. Le mix de Ludo. Like a boom. Bring that ass back like a boom, boom, boom. Petite nouveauté pour finir cette émission, Zoé à l'instant, c'est la vie. Bonne soirée à toutes et à tous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ludo in the mix. Le vendredi à 21h et le samedi à 22h sur Sorgia FM.